Elaine, et on parle de John Spencer, ça tombe très bien, parce qu'on va enchaîner magistralement. Et voilà, comme tu le dis si bien, on va enchaîner avec un autre ex-Pussy Galore, vu qu'il s'agit de Neil Haggerty, donc, qui joue maintenant dans Royal Trucks. Royal Trucks qui a sorti il y a un mois et demi, à peu près, un truc comme ça, un mois et demi, deux mois, un nouvel album, qui s'appelle Thank You, qu'on a passé déjà ici une fois, mais pas plus, parce que par rapport aux autres albums, il faut dire qu'il n'est quand même pas fabuleux. Enfin, surproduit surtout, ce qui gâche un petit peu. Puis finalement, je l'ai réécouté l'autre jour, et puis je me suis dit que j'avais été un peu fort en disant que c'était si mauvais, car j'ai quand même fini par trouver 2-3 perles sur ce disque, et notamment un morceau qui s'appelle Granny Grunt, sur lequel David Berman des Silver Jews est venu faire un petit tour. On va s'écouter ça maintenant. Rock'n'roll avec tout d'abord John Spencer Blues Explosion, avec ensuite Royal Trucks, Royal Trucks, donc avec Granny Grant, un extrait de Thank You, le nouvel album. On ne leur dit pas merci. Non, c'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont pas... Enfin, ce morceau, moi, je l'aime bien, avec deux ou trois autres, mais c'est vrai que la production est vraiment trop léchée, et quand on compare ça avec des anciens albums, et ben, Cats and Dogs. C'est bien dommage. Cats and Dogs, ou mieux, Royal Trucks, suite 88, qui est excellent. Qu'est-ce que tu nous as choisi d'autre, dis-moi, mon garçon? Alors, écoute, mon garçonnet, qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? J'ai choisi un truc que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Fex. Alors, Fex, c'est un reunion band, donc, au sein duquel on retrouve Rachel Carnes et Tyvon Yu de Kicking Giant, Kathleen Nana de Bikini Kill, Tim Green de Godet Silo, et Sue Fox qui joue dans je sais plus quel groupe d'ailleurs, je me demande si elle est pas dans Bikini Kill aussi d'ailleurs. Ça fait beaucoup de monde tout ça. Ça fait beaucoup de monde. Donc, et visiblement ça doit être assez pop américaine du moment, fait par les filles. C'est assez Ariad Girl. Voilà. Voilà, je voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Non, mais ça fait quand même assez Ariad Girl, mais c'est vraiment très très bon. Il y a des morceaux qui sont. C'est très varié parce qu'il y a, il y a beaucoup de spoken words, il y a des morceaux qui sont Riot Girl comme celui qu'on va écouter, mais il y a aussi des morceaux, dont un morceau qui fait fortement penser à Wind d'ailleurs, et qu'on passera peut-être un de ces jours. Un de ces quatre, ouais. Et donc le morceau Riot Girl que tu nous as choisi, eh ben, c'est un nom très très mélodieux, Sergeant n'importe quoi, Sergeant Fuckerman. Excellent. Voilà, donc on s'est fait surprendre. Et donc les Fex, donc extrait de l'album Real Fiction, avec le morceau qu'on vient d'écouter, c'était Sergeant Fuckerman. Alors c'est un album que je vous conseille parce que ça fait un mois à peu près que je l'ai et que je n'arrête pas de l'écouter. Et je ne m'en lasse pas. Et je m'en lasse pas parce que d'abord c'est très très varié. C'est pas comme certains groupes Riot qui décline toujours trois accords. C'est très très varié. Il y a des spoken words, il y a plein de trucs. Vraiment très très très bien. C'est un album que j'aime beaucoup en ce moment. Ok, on va continuer avec un autre groupe de la même mouvance, vu qu'on parlait de, des gens de Kicking Giant qui sont sur K, et ça nous amène tout naturellement au Allo Benders, dont on revient à parler grâce à un 45 tours, un joli vinyle vert donc, qui vient de sortir, avec sur une face le fameux Don't Touch My Bikini, que tout, grand tube. Que tout le monde connaît, ça y est, et sur l'autre face, une curiosité, il s'agit d'une reprise. On va pas vous dire ce que c'est, on va d'abord l'écouter, et puis on en parle après. Donc les Allo Benders, c'est-à-dire Doug de Bill to Spill, et le célèbre Calvin que j'adore. Good times for a change. See the luck I had to make a good man bad. So please, please, please let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Haven't had had a dream in a long time. See the light by man, make a good man bad. For once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. J'ai contrôle, j'écoute, parlez. Somme toujours détourné, demandant consigne d'atterrissage. Altitude, 12,000 feet. Vitesse, 220 knots. Vent nul, terminé. Faites-les atterrir à l'endroit prévu et dites-leur que je vais leur parler. Un bureau est à votre disposition, vous y serez en liaison directe avec l'appareil. Bien. Voilà, donc on vient d'écouter à l'instant Smog. Oui, mais juste avant c'était quoi? Juste avant donc c'était les Hello Benders, ah, les Hello Benders, la fameuse reprise de Mar Morrissey, donc les Spies. Please please please. Tandis que Dallas s'énerve derrière. Oui. Donc, j'ai été bien surpris. Une reprise assez sympathique de voir. C'est très sympathique de voir comment Calvin arrive à massacrer un morceau de sa belle voix mélodieuse. Et essayer de rivaliser pop avec Morrissey. Voilà, mais je suis pratiquement sûr que c'est Doug de Bill to Spill qui a tenu à reprendre ça. Ça m'étonnerait que Mr. Johnston écoute ce genre de choses. Si tu le dis. Et donc tout de suite après, on a écouté un extrait du très très bon album Wide Love de Smog, un titre qui s'appelait Be It. Et on ne peut que conseiller ce disque, car c'est un très bon disque. Il a découvert les claviers, il y a beaucoup moins de guitare. Enfin, ça se sent pas du tout sur ce morceau, car c'est le morceau qui ressemble le plus au vieux Smog. Mais le nouveau Smog a découvert le clavier et s'en sert à profusion. Très bien. Voilà. Dans un style un petit peu plus radical, un petit peu plus facile d'écoute aussi, on dira, pour les gens qui aiment bien Sonic Youth, comme toi, par exemple, un groupe qui s'appelle Paul Vaux, un groupe de Chapel Hill, donc, on a déjà eu l'occasion de vous parler de cette jolie ville qui regorge de groupes intéressants comme Superchunk, Superchunk, Arches of Love, Spatula, donc plein de groupes intéressants. Paul Vaux, ils sont déjà à leur troisième album. Mm-hmm. Le dernier en date, Celebrate the New Dark Age. Dark Age, qui est vraiment très bien. Et donc, on les retrouve sur un split 45 tours avec New Radiant Storm King, qui avait déjà fait aussi un split 45 tours l'année dernière avec Silver Jews. Voilà, des spécialistes. Donc, les deux morceaux de Paul Vaux sont vraiment très très bien. Comme d'habitude, c'est un groupe qu'il faut découvrir si ça n'est pas fait encore. Et on va vous faire écouter le morceau qui s'appelle Two Fists. Paul Vaux. Extrait du split 45 tours Paul Vaux New Radiant Storm King. On vient de s'écouter Paul Vaux, donc on peut trouver ça sur un petit label américain qui s'appelle Penny Farting Records, et également à Black & Noir à Bordeaux. C'est ouais. Loin. Généralement Paul Vaux, je suis assez mitigé, mais ce morceau est vraiment excellent. Il est vraiment très bon. C'est oui. N'est-ce c'est pas. Vraiment excellent. C'est vraiment très bien. D'habitude c'est vrai que moyen, mais là j'accroche vraiment bien. Merci. On va rester dans les collaborations, même si ça ce n'est pas un split single. Il s'agit d'un 45 tours sorti chez Walt. Alors c'est les Mountain Goats qui se sont alliés à Alistair Galbraith. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, les Mountain Goats ont enregistré 4 titres. Ils ont envoyé la cassette à Alistair Galbraith qui a complété ça avec du violon et quelques arrangements. Et puis ils ont envoyé tout ça à Walt qui a décidé de le sortir et... Ça, bien leur en a pris car c'est excellent. Et puis c'est une très bonne idée vu que les Mountain Goats écrivent de très jolies chansons, mais c'est assez monotone, ouais. Toujours avec une guitare. Mmh. Et là c'est vrai qu'ils prennent les morceaux prennent un certain envol et c'est vraiment un 45 tours. Je me redis, c'est excellent, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Vraiment j'étais très surpris, c'est vrai que les Mountain Goats j'en avais un petit peu marre parce que j'ai déjà plusieurs trucs de ce groupe et. À chaque fois, ça revient un petit peu toujours à la même chose. Et là, je crois que ça leur donne un sacré renouveau. Et donc, le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Blood Royal, et c'est extrait d'un 45 tours, donc, qui s'appelle Orange Raja, Blood Royal, et comme par hasard. Tu parlais d'envol, pour les très courageux, mais juste après le morceau, si vous avez beaucoup de sous, vous prenez l'avion, vous allez en Belgique, à Bruxelles, les Mountain Goats jouent ce soir. On en reparle tout de suite après. Les Mountain Goats avec Alistair Galbraith, un morceau qui s'appelait Blood Royal sur un 45 tours qui s'appelle Orange Raja Blood Royal. Et donc tout à l'heure, Martial, tu parlais que ce soir, en effet, jeudi 20 avril, se tient à Bruxelles un petit festival bien intéressant où on retrouvait donc les Mountain Goats, John Davis, de Descaden, Chris Knox et Jade Fair. Jade Fair d'ailleurs, donc on va profiter de l'occasion pour passer un petit Jade Fair. Un extrait de Greater Expectation, un de ses albums, un album sorti en, oh, je sais plus... 91. Ah bah, très bien. J'ai regardé la pochette. Très bien, mais tu as très bien fait, ça m'évite de chercher. Donc, et le morceau qu'on va vous passer, façon d'être un petit peu à Bruxelles ce soir. Le cœur y est vraiment, mais le porte-monnaie n'y est pas, et c'est bien dommage. J'espère que tu nous as choisi un morceau quand même accessible de Jade Fair. Oui, oui, il faut préciser qu'il y a des choses très très bien, très très belles, et puis il y a des choses aussi carrément presque inaudibles. Inaudibles, expérimentalistes. Pour le commun des mortels. Ouais, moi si tu veux. Donc moi, le morceau accessible de ce soir, c'est Roméo et Juliette. Excellent. Romeo and Juliet, active actors on stage, both really joyous, hearty, and happy. The audience, they quote, "You're the only rage." Physically, bodies alert, and all action snappy. Wear clothes of many fastidious colors. Previous to acting, prepare in advance, not shabby. One witch was tormented by mother, but at times on stage, their clothes are flabby. Romeo loved Juliet, and Juliet's parents disapproved. Juliet loved Romeo, and likewise, Romeo's parents disapproved. While walking along on distant hills, they enjoy the pleasure of God's beauty. The scenes fill them with bodily thrills, though acting on stage is their normal duty. Again along an ocean smooth sandy beach, on their clothes are some hanging tassels. As known, all ethereal stars are beyond reach. The joyous kids were building sand castles. Romeo loved Juliet, and Juliet paced the park. Juliet loved her Romeo, and Romeo climbed the wall. Well, on modern roadsters scouring the area, warning, next section the road is closed. They're thought we must take another road out of this area, which may lead far from this one, suppose. After returning to the stage, resume normal pack, with their voices harmonious and loud. All events are actually occurring daily fact. Their appearance on stage enthralls the entire crowd. Romeo loved Juliet. If I could change history, I would. Juliet loved Romeo. I wish it was all just sweet and good. During the last and final act, the crowd cheers, "You are the best." Never ever wear a cloth sack, but thought after this we should mutually rest. After returning home, relaxed and sang, "God the Creator supplies our dinner." Mutually thought we are one of the gang. Normally we always are the winner. Romeo loved Juliet, and Juliet felt the same. Romeo loved Juliet, and if I could change the end, I would. I wish I could change history. Voilà donc à l'instant Jet Fair, extrait de Greater Expectations. C'était Roméo et Juliette, un grand bonhomme. Une chanson romantique. Très romantique. Et on en parlait tout à l'heure hors antenne, et un de ces jours, on vous fera sûrement une série Jet Fair pour enfoncer le clou et faire découvrir Jet Fair aux novices. Une série Jet Fair, un quart d'heure, 15 morceaux. Voilà, ça va être un peu ça, parce que sur cet album, il y a quand même 45 titres. Et ça allie expérimentalisme, donc comme je le disais, puis petits morceaux comme ça, et c'est vraiment très bon. On va rester dans les violons, dans les chansons douces et dans la mélancolie avec un 45 tours qu'on a trouvé via le label Drag City, décidément, excellent label Drag City. Un groupe ou plutôt une personne qu'on ne connaissait pas du tout qui s'appelle Plush, visiblement. Il n'y a aucune note de pochette, c'est un seul garçon qui s'occupe de ce groupe Plush. Peut-être genre la smog, peut-être un peu au niveau de la démarche. Oui, mais alors sinon la musique ça n'a rien à voir, c'est très axé sur les 70s, très orchestré, beaucoup d'arrangements, très soigné. Ça pourrait ressembler un peu au premier album d'Epic Soundtrack, c'est-à-dire quelque chose de très classieux quand même, de très délicat. Et donc c'est un 45 tours vraiment intéressant sur Drag City, ça s'appelle Plush, et le morceau choisi c'est la B-side Found a Little Baby, Plush. Sleep, I see it all there. Make my bed to live again. What's so bad about dying? pure guava au top de la douceur ce soir avec Plush sur Drag City donc, et quand même ça nous change de Truman's Water. Oui, mais bon, c'est bien quand même Truman's Water. Oui. Bon alors je crois que là on a quand même commencé avec des trucs cool, donc Jet Fair, Plush, on va continuer avec quelque chose de cool. Je vais juste rajouter un truc sur Plush parce que je le découvrais en même temps que certains de nos auditeurs et je trouve ça excellent et ça me fait vraiment penser à Left Bank, je sais pas si tu connais un petit peu. C'est vraiment très très proche, exactement. Un petit peu plus énergique, Left Bank. Il y a des morceaux comme ça, je pense à Dark is the Bark par exemple, qui est tout à fait dans cette veine là et c'est vraiment superbe. Il y a un travail d'arrangement qui est superbe, c'est vraiment là je craque vraiment, c'est vraiment très très très bien. Bon, alors maintenant ça y est, on est lancé, donc on va finir dans la douceur. Alors là c'est fini la douceur, c'est on va passer. Oh là c'est terminé. Merde. Juste avant d'attaquer la série Amarillo Records, dont vous avez touché quelques mots la semaine dernière, là on se lâche avec Amarillo. Mais avant ça, on va écouter, en guise d'introduction à Amarillo, un groupe de chez Brickman Records, qui a en fait sorti ce disque en licence de 9Z, un label américain cousin d'Amarillo. Alors, Virginia Dare, le nom du groupe c'est Virginia Dare, donc le label c'est Brickman, je vais y arriver. Et un album assez excellent, un album qui pourrait largement passer sur les ondes, car c'est tout à fait abordable. Et je m'étonne d'ailleurs qu'un ami concurrent grisonnant sur une radio nationale ne le passe pas, car franchement c'est vraiment aussi bon que l'Isphère ou ce genre de truc. Avec lui il faut plus s'étonner de rien. Oui, mais enfin là, je sais pas, vous allez pouvoir en juger vous-même avec le morceau qui s'appelle Scratch, mais c'est vraiment très très abordable. Très bien. Exactement. Un groupe de San Francisco sur un label des Pays-Bas. Ouais, enfin, à l'origine, c'est sorti chez 9Z, qui est aussi un label de San Francisco. 9Z, d'ailleurs, qui est un label cousin de toute la famille, Faking Feller, Signal Logoito et tout, qu'on vous bassine les oreilles ici depuis quelques semaines avec toute cette famille. D'ailleurs, Greg Freeman, qui est le producteur attitré des Faking Fellers, joue de la basse dans ce groupe. Il y a aussi un ex-American Music Club aussi, ce qui doit quand même pas mal lui changer de ce qu'il faisait avant. Et c'est une demoiselle, la demoiselle qui chante, dont le nom m'échappe, je crois que c'est Marie O'Neill ou un truc comme ça, qui compose tout, voilà, Marie O'Neill, c'est ça. Et un disque que je vous recommande chaudement. On va donc attaquer la série maintenant à Mario. On va commencer par les plus timbrés de la famille, quoique les autres, c'est pas triste non plus, vu qu'il s'agit des Faxid Head. Alors c'est un disque, alors de toute façon il y a toute une histoire autour de ce disque, car c'est un disque qui est sorti en collaboration avec la chambre de commerce de Kaolinga. Kaolinga, comme tout le monde le sait, est un petit patelin de la Californie, à côté de Monterrey. Et ce disque, alors revenez-vous bien, est quand même sponsorisé par donc la chambre de commerce, un Taco Bell, Burger King, la station service BP, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chevron Food Mart, alors ça je sais pas ce que ça peut être. Kaolinga Sporting Goods, ça va être les magasins de sport de Kaolinga. La station service Texaco, le Motel 6 de Kaolinga. Bref, et tout le bled s'est mis quoi. Tout le bled s'est mis, le plus drôle c'est quand même. Merci Jérôme. Le Kaolinga Inn qui aussi a sponsorisé tout ça. Alors c'est des joyeux givrés. Donc vous allez pouvoir vous en rendre compte. Alors au milieu du disque, il y a quelques interférences. Ça ne vient pas de votre radio, ça vient tout simplement du disque. Vous allez voir, c'est très très très spécial. Il faut vraiment le voir pour le croire, ce 45 tours qui a donc été sponsorisé par la chambre de commerce et tous les petits, tous les petits commerces d'une petite ville. À l'intérieur du disque, il y a la photocopie de la lettre de présentation, voilà, de la chambre de commerce, où ils sont tous fiers de présenter ce jeune groupe, ce spécial groupe de rockers entre guillemets, qui sponsorise, donc, enfin qui parle de la ville, The Shopride. À mon avis, avant de signer le contrat, ils n'avaient pas dû écouter, je pense. Hein. Je crois qu'ils ont dû faire la lettre avant d'avoir écouté le disque. Ouais, je crois, parce que là, c'est vraiment, c'est spécial. Personnellement, je déteste pas, mais à très petite dose alors. Toute petite. Ouais, toute petite. Alors, donc, on continue avec Amarillo. J'espère qu'il y a des choses tout aussi réjouissantes. Oui. Alors, bon, ça, on a commencé par les plus extrémistes du lot. Alors, pour faire un petit historique au niveau d'Amario, on va dire que Amario tout de même, c'est Greg Turkington, je vais y arriver, qui s'occupe de ce label, qui fait partie des Icodrapistes, qu'on vous a déjà passé ici, qui est un groupe que personnellement j'adore. Et Greg Turkington a sorti un 45 tours avec d'autres personnes dont j'ignore les provenances, sûrement des gens qui doivent faire des petits groupes aux États-Unis. Le 45 tours s'appelle Totem Pool of Losers. Et que dire d'autre, sinon que c'est sûrement un des meilleurs 45 tours que j'ai écouté depuis pas mal de temps. C'est très très très original, second degré à fond, et c'est vraiment très très bien. Le morceau c'est Jesus, I am loving you, et comment détourner une chanson religieuse. Les Totem Pole of Losers avec Jesus, I'm loving you. Là, c'est vraiment l'exemple type de la chanson que vas-tu dire? Ben là, j'ai les paroles sous les yeux. Lis-nous un peu un extrait des paroles qui sont absolument délirantes. Hein. Elle aime Jésus à tout moment de la journée, 24 heures par jour. Elle aime Jésus quand son mari lui fait l'amour. Elle aime Jésus quand elle nourrit le chien ou quand elle prie. Et elle aime même Jésus quand ses enfants se font écraser par une voiture parce qu'il a une bonne raison de les rappeler à lui. Donc c'est vraiment une chanson sur la foi, je crois. Ça marche, c'est clair. Une excellente chanson. Grandiose. Totem Pole. Amario, ils ont des chances de percer. Hein. Ah, vraiment, mais ils ont que des bons groupes. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'était encore deux autres choses. Ceci dit, mais 45 tours était vraiment excellent, je vous le conseille. Oui, oui, oui. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime énormément, même. Alors, on va rester avec Greg Turkington, membre fondateur des Icodrapistes. Les Icodrapistes se sont légèrement dissous il y a quelques mois pour en attendant de sortir un nouvel album. Jean-Philippe, oui, vas-y. Je te coupe, il faudrait articuler sur le nom des groupes parce que là, les iconographistes, on a l'impression que c'est une secte, style la secte japonaise. Il s'agit du groupe les Zip Code Rapistes. Zip Code Rapistes. Les voleurs de code-barre. Voilà. Et le morceau qu'on a décidé de vous passer, ça s'appelle Wired. On va essayer. On va essayer. Code Review avec Wired, donc sur Amario Records toujours, et on va continuer avec l'autre partie des Zip Code Rapistes. Il s'agit de The Three Doctors Band avec une superbe pochette qui ne laisse pas indifférent, et cet extrait faut quand même préciser qu'il s'agit d'une fille qui veut voir sa culotte avec le nom du groupe imprimé sur la culotte, voilà, ce qui est très très fin. Et l'album s'appelle Back to Basics, live d'ailleurs, je sais pas pourquoi live, parce qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux live, il me semble. Et le morceau qu'on vous a choisi s'appelle The Papa Don't Preach. Que tu as choisi. Enfin, que j'ai choisi, oui. Mais spécialement pour toi, il faut le dire. Ah Papa Don't Preach. Si c'est du Madonna, j'en reparle. Voilà, bah, tu vois, c'est bien pour ça. Je connais bien tes goûts. Papa Don't Preach, donc une reprise de Madonna, et comment détruire une mauvaise chanson. N'hésitons pas à le dire. Touche pas à Marie-Louise. Bon, bah tant pis. Eux, ils y touchent. Eh bien. Okay. Doctor's Band qui clôt donc cette série à Mario. Mario, il était temps. Ouais, enfin Martienne n'a pas l'air d'avoir tout apprécié, mais le prix de Doctor's Band, on peut pas dire qu'il n'est pas d'humour. Par contre, un groupe fait de 1% d'inspiration et de 999% de transpiration. Ouais. Et qui le revendique. Il y a 9 titres sur l'album et il marque tout titre donc le groupe là, Free Doctor's Band. Sauf celui-ci, sauf cet autre et puis sauf celui-là et en fait il y a que des reprises. En fait c'est un disque de reprises. Voilà, Madonna, il y a les Bee Gees aussi, Neil Diamond, mais il faut dire que elles sont très horribles. Ouais, mais enfin moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai pas fini de te faire chier avec les disques à Mario, car je suis fan. Et j'attends avec impatience. Ils le vendent ça, oui, à un moment donné. Ils le vendent. Et j'en suis très fier. Et on retrouve là-dedans donc Greg Turkington des Hypnotherapists. Il y a un membre de Faith No More, je sais pas ce qu'il vient foutre là-dedans. Il y a encore une secte mystérieuse. Une secte très mystérieuse. Il y a un membre de US Saucer, dont on vous a passé un extrait de l'album la semaine dernière, qu'on vous en passera même sûrement. C'est beaucoup plus audible. Bah, c'est chez Amario aussi, US Saucer. Mm-hmm. C'est très très bien. Il y a aussi un Brendan de Caroliner, groupe mythique pour toute cette scène, groupe américain mythique. Enfin voilà. Donc c'était donc la série Amario. Revenons à la musique normale. Voilà, quelque chose de beaucoup plus mainstream. Il s'agit d'un Pavement. Voilà, Pavement sont entrés dans les mœurs depuis quelque temps, depuis un ou deux ans. Ça y est, maintenant tout le monde. À côté de ce qu'on vient d'écouter, ça va apparaître commercial même. Mais à juste titre, c'est un groupe qui a su créer un style carrément. On peut le dire qui a été pompé, copié, pillé. Voilà, et tous les Samis, Overpass et autres. Et eux continuent leur petit bonhomme de chemin, pépère, et ils nous sortent un album, encore excellent. Une fois, très très bien. Trois faces, voilà, pas quatre, juste trois, juste ce qu'il faut. Presque une vingtaine de titres, et tous très très bons. On en avait déjà passé un la semaine dernière, et on en passe encore un autre cette semaine. Et c'est lequel ? Et le titre choisi s'appelle Grave Architecture. Allons-y. Pray. c'était Pavement, les Pink Floyd de Lindsay. Comme tu le disais hors antenne. Les morceaux qui durent 10 minutes avec des superbes solos de gratte. Oulala, as-tu écouté le même disque que moi? Non, c'est vraiment très très bien. J'adore cet album et j'adore ce morceau. Et tu as bien raison, c'est vrai que c'est un des tout meilleurs morceaux de l'album. Grave Architecture, il s'agissait de Pavement, qu'on retrouvera en concert donc... Au mois de juillet. Au mois de juillet. En tournée avec Mercury Rêve. Mercury Rêve, sans le chanteur, vu qu'il est sans David Baker, qui est parti faire Shady, une grosse merde, ceci dit au passage. C'est personnel, parce qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien, mais bon, personnellement, je crois qu'il aurait pu se passer de l'aide de Martin Carr et d'autres personnes. Et il paraît que le mec qui est resté dans Mercury Rêve, je sais plus comment il s'appelle, le guitariste, celui qui fait... Grasshopper. Voilà, il a participé au disque de Saint Johnny. Voilà un groupe plat. Ah, c'est marrant parce que un des membres de Saint Johnny a participé au disque de Shady. Shady. Ah ben comme ça, tout c'est une grande famille. Voilà. Donc si vous aimez Saint Johnny, on va vous passer à Manda by Night. Voilà, je vois bien la transition là, tu vois. Alors, Manda by Night, un groupe américain très intéressant qui a fait moult singles sur un petit label américain qui s'appelle Suston. Pas beaucoup de sous, pas beaucoup de succès non plus à Manda by Night. Alors ça se comprend. Voilà, donc il y a un petit label bordelais qui les a récupérés pour un single qui a pas eu beaucoup de succès non plus. Ça se comprend aussi. Les gens d'Amanda by Night jouaient avant dans un groupe qui s'appelait Chopper, qui a un petit peu plus marché. Ils avaient fait des CD. Ce sont des gens très américains, ça s'entend dans la musique, ça suinte le roots de partout. Et là, en 95, deux nouveaux morceaux autoproduits, visiblement, vu qu'il n'y a pas de nom de label, from Bridgeport, voilà, le Connecticut. On écoute Amanda by Night avec le morceau qui s'appelle Mercury Haze. Leon is lying in the street, tearing himself from his senses. If he explodes tonight, the heat, the fallout will seem just endless. Leon was once willing to share his tales of family madness. Then he found out that we don't care, we were caught by second-hand sadness. But who would believe when he couldn't breathe? He strangled our days in his mercury haze. It must be a first for the worst to come first, but still find a way. If he explodes tonight in the heat, the fallout would bring salvation. Leon was once willing to share his tales of family madness. Then he found out that we don't care, we were caught in our second-hand sadness. But who would believe when he couldn't breathe? He'd strangle our days in his mercury haze. It must be a first for the worst to come first, but still quite a ways from by Night, donc Mercury Haze tiré de leur dernier single en date, un autoproduit, un petit peu répétitif ma foi, mais ouais, mais c'est pas, enfin je trouve que c'est de la pop US carré quoi. Le problème c'est peut-être qu'il y a pas grande originalité, ça sonne comme plein d'autres groupes, mais bon, pourquoi pas, franchement pourquoi pas, donc, peut-être à écouter le 45 tours sorti chez Alienor à ce moment-là, que tu vas acheter bien sûr rapidement tout de suite. Bon, on va continuer avec notre groupe chéri, vu qu'il s'agit de Win Win encore une fois sous les sunlights de l'actualité. Bah, je crois que là, c'est l'heure du win de la semaine. C'est l'heure du win de la semaine. Il est minuit moins le quart sur Pure Guava, donc. Alors, Win va sortir coup sur coup un pitcher disc de Freedom of 76. Enfin, il est déjà sorti. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est Freedom of 76, mais voilà, dans trois versions différentes. Mm-hmm. Donc, le pitcher disc, vraiment très très beau, il faut l'avoir pour l'objet. Parce que c'est vraiment pour l'objet, parce c'est joli. Il y a le logo de Win imprimé dessus, voilà, rouge sur jaune. Une photo horrible d'une série ou je sais pas trop quoi. Un truc américain. Enfin, c'est très bizarre. Hein. Sur la face B donc du pitcher disc, il y a un morceau tiré de The Pod. Palo Asado. Voilà. Normalement, avec cela, devrait avoir un CD single avec des titres inédits et un 45 tours vinyle cette fois avec un remix de Mike D des Beastie Boys, donc qui remixe Freedom of 76. Ça doit être, à mon avis, excellent. Voilà, donc tout ça devra arriver samedi par un gros colis chez Black & Noir. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas. Bon, je pense que Win sur Bordeaux, les gens connaissent. Voilà, exactement. Donc, Freedom of 76, on l'avait déjà passé il y a quelques semaines, on ne va pas y revenir. Les radios s'en chargent pour nous. Autres radios s'en chargent pour nous. Rappelons quand même qu'il s'agit d'un des meilleurs morceaux du dernier album en date, Chocolate and Cheese. Tu vas un peu vite là, mais enfin bon. Un morceau très très très beau qui appelle à la fois les influences Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Aussi. Et Prince. Donc là, on va attaquer sur un morceau carrément pop de ce dernier album, Chocolate and Cheese, ça s'appelle Roses Are Free, et c'est très beau, surtout le solo de guitare à la fin, c'est d'un lyrisme éblouissant. Resist all the urges that make you wanna go out. Le win de la semaine. Les excellentissimes win. Tu as bien raison de le dire, Roses, car ils sont excellentissimes. Roses Are Free, tiré donc du dernier album Chocolate and Cheese. Voilà, mais t'as tout dit. Qu'on peut trouver partout. Ah oui, il en a vraiment partout. À la Fnac en CD et Black et Noir en vinyle. Donc Black et Noir. Voilà. On continue avec quelque chose d'un petit peu plus vieux. Maintenant, on s'éloigne de l'actualité avec un disque qui te fait envie. Ouh là là. Mais il n'est pas à toi, il est à moi. Et voilà. Et tu en es bien fier et tu as bien raison. Il s'agit de Lucky Sperms. Lucky Sperms, c'est-à-dire qui réunit ça by Sonic Youth. Steve Shelley et Mike Watt. Voilà. En priorité. Ouais, il y a aussi Thorsten Moore qui ne fait rien. Voilà. Il y a Ali Reynaldo aussi. Il y a Kim Gordon, il me semble. Et enfin, bien, plein de gens comme bien ça. Bien évidemment, c'est sur le bon label, Ecstatic Peace. Label de Thorsten Moore. On s'en serait douté. Ce 45 tours est sorti en 80, je ne sais pas combien. Il a été enregistré en 87, mais je crois qu'il est sorti bien après. Oui, il est sorti bien après, oui. En fait. Le morceau qu'on va écouter, il y a essentiellement Steve Shelley à la batterie et Mike Watt, donc guitare, basse et voix. Il s'agit d'une reprise de Neil Johnston qui s'appelle Walking the Cow, mm-hmm. Et l'instrumentation et la version sont proprement ravissantes. Excellente. Voilà. Tandis que les mystères de l'Ouest arrivent au loin. Non, c'est quoi? C'est pas les mystères de l'Ouest, c'est. On sait jamais, il le passe c'est souvent, mais je ne sais jamais ce que c'est. Les sept mercenaires. Les sept mercenaires, voilà. Il me semble que c'est les sept mercenaires. Jules Brunner. Il ne le sait même pas. Il ne bronche pas, il nous regarde, le sourire aux lèvres. Les sept mercenaires pour Walking the Cow, je crois que c'est parfait. On écoute donc les Lucky Sperms. Donc une reprise de Daniel Johnston, Walking the Cow, une très jolie chanson, assez cool, avec la basse en avant, et c'est normal vu qu'il y a Mike Watt dedans. Et voilà, Mike Watt, ex-Minuteman, qui est très à l'honneur en ce moment d'ailleurs. Avec son album solo. Voilà, voilà, voilà. On va passer maintenant aux Raincoats. Les Raincoats, un groupe majeur... De vieilles peaux anglaises. Ah ben, il n'y a qu'à voir la photo. Un groupe majeur des débuts des années 80, qui avait sorti trois albums des années 80, qui avait, pas cassé la baraque, mais enfin, influencé énormément de groupes, dont les Doc Festermans, entre autres. Et Nirvana, donc. Oui, 33, oui, tu le mets en 33. Et qui ont sorti l'année dernière, car elles se sont reformées à l'occasion d'une pile session avec Steve Shelley à la batterie. L'omniprésent Steve Shelley, de votre nom. Oui, exactement. Qui fait donc de la batterie sur la pile session et qui a sorti les pile sessions sur son label, Smell Like Records, et c'est excellent. Alors c'est bien sûr des vieux morceaux, mais elles sont en ce moment en studio, en train d'enregistrer un album pour Geffen. Alors allons savoir ce que ça donnait, mais en tout cas, les morceaux, ils en donnent des versions excellentes. Et ce disque, ce 25 cm, est dédicacé à Kurt Cobain, elle fait toute une montagne. Sans lui, elle ne se serait pas reformée. Exactement, mais c'est vrai, parce qu'en fait, Cobain a déclaré partout que c'était un des groupes qu'il avait le plus influencé dans sa jeunesse. Et elle le remercie à juste titre, vu elle que c'est grâce très, à... Elle le très chaleureusement, d'ailleurs. Il dit Kurt Cobain, je vais y arriver, donner beaucoup de vie, d'inspiration et de libération dans sa musique, que ça nous a donné une nouvelle vie. Cette session n'aurait probablement jamais existé sans son amour et son enthousiasme. Wow. Nous lui dédicassons donc ce disque. Et voilà. Et le titre qu'on va écouter, c'est No One Is a Little Girl, un morceau de 82, il me semble, qui est sorti sur un 45 tours, tout rouge. Superbe, et la version est assez proche. Très bien. I'm no one's little girl, oh no I'm not gonna be, cause I don't wanna be, I never shall be in your family tree. Even if you ask me to, I'm gonna turn you down. I won't mess you. I don't wanna be in your family tree, even if you ask me to. I'm no one's little girl, and now I'm not. la reformation des Raincoats sur ce 25 cm extended play sorti chez Smell Like Records, donc le label de Steve Shelley, qui joue de la batterie d'ailleurs avec elle maintenant. Et que dire sinon que c'est aussi bien qu'au premier jour. Et j'attends vraiment avec impatience cet album chez Geffen pour avoir une idée plus proche de la réalité peut-être, vu que c'est des anciens morceaux. Je t'écoute, Martial. Très bien, ben, on va continuer dans les reformations, ça tombe très très bien. Vu qu'il paraît que les Hetzel Auctioneer se sont reformés. Mais oui, un groupe qui aurait dû exploser au début des années 90, qui avait sombré dans l'anonymat. Les Hetzel Auctioneer, après plusieurs singles, une compilation de singles et un album excellent. Le batteur des Pelsens qui jouait dedans, un truc comme ça. Oui. Il me semble. Et c'était quand même un groupe très nerveux qui a influencé pas mal de groupes un peu pop-punk d'aujourd'hui. Je crois que des mecs comme Boy Racer leur doivent beaucoup. Mais il y avait toute une scène à l'époque avec les Beckett, les Innis, tout ça. Les Hetzel Auctioneer, c'était... les Beckett, les Innis vont jamais... C'était quelque chose. Ouais, qu'est-ce que tu connais? J'y connais. Bon, je les ai vus en concert, les Beckett. D'ailleurs, avec toi, il me semble. Oui, et c'était très bien. Tout le monde était très saoul et c'était très bien. Ouais, et puis... c'était du genre Frank Black, on t'a reconnu aussi. Oui, enfin bon, on s'éloigne des Hetzel Auctioneer, donc un groupe majeur de la fin des années 80. Ils se sont reformés, il y a un petit CD bleu, on n'en a pas cru nos yeux, on croyait que c'était une réédition d'ailleurs. Et non, ils se sont reformés, on n'a pas eu le temps de mettre la main sur le CD, mais ça ne serait tardé. Parle pour toi. Et pour se mettre l'eau à la bouche, on va écouter un vieux 47 tours de 89, donc The Hetzel Auctioneer, le morceau s'appelle Our New Skin. Rise. Dale Auctioneer en 89, donc un bon petit single de Derrière les Fagots pour clôturer cette émission. Ça fait un moment que tu voulais le passer, celui-là. Ça fait un bon mois que tu l'amènes. Ça fait 5 mois que je l'amène et chaque cinq mois. 5 mois. Au moins. Ça fait 5 émissions que je l'amène et chaque fois on ne va pas le passer. Donc là, ça y est, c'est fait. Voilà, et c'est bonne chose de faite. C'est ainsi que s'achève Pure Guava dans la joie et la bonne humeur, alors qu'il est déjà minuit. Bah c'est comme ça que je dis. Ouh là là. Ah bah tiens, ça faisait longtemps ça. 13 minutes sur Sauvagine 94.9. Et la semaine prochaine, il y aura encore des Auctioneers si on a acheté le nouvel album. Et il y aura encore Win. Ah, oh bah de toute façon, le Win de la semaine. Bah la semaine prochaine, je ne serai pas là, donc je cède les manettes. On va pouvoir passer de la musique. Ah là là. Fini le bruit. Et qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine, dis-moi. Tu tires au flanc comme ça? Oh là, je tire au flanc, je ne veux plus te voir. Bon, bravo. Bon, bah, je demanderai à quelqu'un de civilisé de venir. Ça changera. Voilà. Spécial pop la semaine prochaine. Oula, je vais bien me partir. On va faire un spécial cutie mongol. Eh ben, caramel, tout ça. Non, non, juste. On verra. au revoir, monsieur Talaga. Ah oui, au revoir, monsieur Solis. Jean-Claude. Merci. Bon, bon week-end à Paris alors. Bah écoute, bon week-end à Bordeaux. Merci. Dans ta tour au Rofac. Merci. Au revoir, monsieur Jérôme. À la semaine prochaine. Salut. Nobody really